Stimme der Energie. Ich bin ein riesiger elektrischer Generator. Ich liefere Ihnen Licht und Kraft und ermögliche es Ihnen, Sprache, Musik und Bild durch den Äther auszusenden und zu empfangen. Ich bin Ihr Diener und Ihr Herr zugleich. Deshalb hütet mich gut, mich, den Genius der Energie. Bien le bonsoir, chers auditrices et auditeurs de Canal B. Bienvenue dans l'asile le plus sûr, avec un démarrage en fanfare et cette voix de l'énergie pour nous porter toute cette émission bien spéciale qui sera entièrement consacrée au groupe Kraftwerk et à ton livre, camarade Eric Day, qui sera là pour nous accompagner toute cette émission. Bonsoir. Bonsoir Eric. Donc, à l'occasion de la sortie de ton livre qui est tout chaud, sorti des presses du mot et le reste. Ouais, sorti mi-septembre, disponible dans toutes les librairies. À Rennes comme ailleurs, hein, à peu près partout, et également sur Internet. En Suisse, au les Canada, librairies virtuelles le distribuent également en liseuse, etc. etc. C'est ton quatrième ouvrage à suivre hein, pour Le Beau et le Reste. On t'avait déjà reçu, bien évidemment, dans cette même émission, notamment pour ta somme autour du rock allemand des années 70, qui était sorti en 2007, Au-delà du rock, la vague planante, électronique et expérimentale. S'en était suivi un ouvrage en coécriture avec notre ami Dominique Grimaud sous le titre L'Underground Musical en France. Et l'an dernier, cet ouvrage qui est presque le jumeau du Kraftwerk, le Cannes Pop Music. Donc c'est exactement le même nombre de pages, le poids le même. Ouais, même format, Exactement, oui. Exactement le même format, donc type monographie d'un groupe bien évidemment mythique comme Kraftwerk, qu'on va donc égrener un peu tout au long de cette émission. On peut peut-être commencer par faire un petit aperçu sur le livre. Tu l'as découpé un peu, alors c'est plutôt un travail d'historien, on pourrait dire. Ah ouais, complètement, oui, c'est de reconstituer l'historique du groupe en partant des archives d'époque, en fait, parce que c'est une histoire qui est finalement pas si connue que ça. En prenant dans le détail des archives, on se rend compte qu'il y a énormément de petits passages, de péripéties dans le groupe qui sont importantes pour vraiment comprendre ce qu'ils ont fait, enfin leur musique, quoi. C'est un groupe qui cultive le mystère aussi un petit peu. Oui, aussi, qu'ils eux-mêmes, tout leur début, mettons de 68 à 74, avant tout ce qui est avant Autobahn, ils préfèrent le chanter. C'est pas que l'ignorer, mais dire que voilà, c'est de l'archéologie pour eux. C'est pour ça que moi, le premier chapitre, grand chapitre du bouquin, c'est Archéologie sonore 1967-1973, tout simplement. Parce que eux-mêmes le disent que pour eux c'est de la préhistoire, quoi. C'est le pré-Kraftwerk, la préhistoire de Kraftwerk. Donc tu consacres une trentaine de pages à cette première histoire antérieure à la vraie histoire de Kraftwerk telle qu'ils veulent la définir. Ouais, ce qui est important aussi, c'est que c'était un groupe. On peut le dire vraiment au passé, c'était un groupe underground. En Allemagne même, après un petit peu en France, 72, 73, même un peu avant, enfin ils étaient connus, mais comme un groupe expérimental parmi beaucoup d'autres Allemands. Et une fois qu'ils ont commencé à vraiment marcher au niveau, enfin ils sont sortis de l'underground après, enfin avec Autobahn. Ouais, ils ont commencé à vendre des milliers de disques. Et du coup, oui, ça a changé beaucoup, beaucoup la donne pour eux, quoi. Même si dans tout ce qu'ils ont fait dans cette première période, on trouve les bases, en fait, les premiers éléments qui vont développer après, quoi. Ouais. Toute leur manière de triturer les sons électroniques avec quantité de séquenceurs, de chambres d'écho, de choses un peu bizarroïdes de leur fabrication. En fait, vraiment, ils ont commencé à forger un son électronique nouveau qu'on va retrouver pas mal étoffé par la suite. Juste pour te baser un peu, pour écrire cette histoire, donc tu t'es basé sur pas mal d'interviews, en fait, hein, si j'ai bien compris, notamment d'articles qu'on t'a fournis, notamment Dominique Grimaud qui t'en a passé. Ouais, un peu, ouais. Enfin, des articles de presse anglais, enfin New Musical Express, Melody Maker, un peu. Je suis beaucoup utilisé les archives de Music Express, le magazine Music Express, un magazine allemand qui est, enfin, les archives sont en ligne, consultables en ligne, qui permettent d'avoir tout accès à tout ce qui a été publié sur Kraftwerk dans ce magazine-là. C'est vraiment une bonne base pour vraiment comprendre aussi comment la presse les percevait, justement. Ça a été Music Express, assez étonnant pour ça, d'ailleurs. Ils étaient vraiment très très soutenus dans leur tout début. Et quand ils ont commencé à avoir du succès, ils étaient un peu, ils étaient assez critiqués justement par Music Express, qui mais finalement. Ça m'a étonné d'ailleurs ça aussi à la lecture de ton ouvrage, de voir que il y avait pas beaucoup de critiques assez négatives à partir du milieu des années 70. Ouais, la césure, c'est Autobahn, c'est pour ça aussi que une césure qui marche aussi pour le côté l'analyse de la presse, en fait, hein, où ils étaient plus reconnus comme groupe underground, c'était plus un point de repère, quoi. Du coup, c'était devenu trop populaire, mais ça leur était tombé dessus sans qu'ils ils le voulaient, évidemment, mais pas à ce moment-là. Enfin, le succès d'Autobahn, ouais. Et juste pour signaler aussi que c'est un groupe qui n'a pas de site internet dédié avec biographie, photos, enfin c'est pas vraiment le genre de la maison, contrairement à Cannes en fait, Cannes où il y a vraiment une iconographie qui est disponible. Ouais, et puis même leur historique, ouais, il y a énormément de choses sur Cannes en ligne. Kraftwerk, non, c'est dans la communication ultra minimale, quoi, sur quelques images, quelques pochettes révisées même, enfin, dans les visuels, le strict minimum. Et voilà, parce que ça fait partie de leur concept aussi, quoi. C'est aussi un groupe qui se réinvente au niveau du son et qui rejoue ses compositions de manière assez récurrente. D'ailleurs, tu voulais démarrer avec un titre récent. On va écouter pas mal de choses assez récentes au final dans cette émission. Donc on a démarré avec The Voice of Energy qui figure sur leur fameux disque de 1975 qui est un des grands classiques Radioactivity. Et donc tu voulais enchaîner avec le titre. Oui, Radioactivity, mais la version de 2004-2005 de la compilation, enfin le live, double live minimum maximum, leur tournée qu'ils ont faite en 2004, où justement là c'était en live, la dernière date de cette tournée là, c'était au Transmusical de Rennes. Donc oui. Ça tombe bien. Et ils ont vraiment retravaillé leur son pendant des décennies en fait. C'est pas une réinvention, c'est vraiment une remasterisation, digitalisation, enfin c'est spatialisation. C'est vraiment à chaque fois reprendre le son et comme ils le font maintenant pour l'image quoi en fait. Ce qu'ils sont partis à faire là, c'est des concerts 3D comme il va y en avoir en novembre, voilà. Et donc c'est une version de Radioactivité qui a beaucoup évolué aussi depuis le milieu des années 70, hein, puisque maintenant c'est vraiment un titre anti-nucléaire. Enfin. Oui, à la base c'était pas du tout positionné, c'était une vision assez objective, un double sens, la radioactivité de la radiophonie et la radioactivité nucléaire. C'était un jeu de mots pour eux. À l'époque, de toute façon, c'était pas forcément hyper développé quand même. Tout le discours écologique, c'est encore les tout débuts. Hein, et eux, c'était pas trop posé la question, c'était vraiment un délire scientifique. On le sent, ça se ressent énormément sur Radioactivité quand on écoute les paroles. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça a évolué depuis en fait maintenant. Et maintenant, oui, ils se sont repositionnés complètement anti-nucléaire depuis au début des années 90, même avant. Des concerts pour Greenpeace. Ils se sont repositionnés en fait au moment, à partir de Computer World en fait, début des années 80, où ils se sont rendus compte que on leur avait dit, ce que vous dites là, mais c'est un peu une ode à la radioactivité, au nucléaire, et finalement ils se sont rendus compte et du coup là c'est repositionné complètement anti-nucléaire. Avec une énumération des catastrophes évidemment nucléaires depuis une bonne trentaine d'années. Ouais. Oui. On écoute ça tout de suite. Radio.

Ne vous inquiétez pas, c'est juste de la radio. Voilà. Donc l'asile le plus sûr avec mon camarade de Eric Dehay pour présenter son ouvrage autour et sur le groupe pop électronique mythique Kraftwerk. On a démarré avec une séquence de deux titres enchaînés. Le premier qui était une version donc de Radio Activitat du double live en fait, minimum maximum, hein, c'est bien ça. Oui, tout à fait, oui. Ouais, donc 2005, oui. 2005, donc avec un retraitement donc, de la version d'origine de 1975 et qui était enchaîné avec un titre de l'album de cette époque, donc Uranium. Voilà, comme de juste. Je voulais qu'on cause un petit peu de peut-être de la lutherie électronique de Kraftwerk pour enchaîner avec cette séquence. Donc y a pas mal de choses dans ton ouvrage à ce sujet et qui m'ont assez fasciné d'ailleurs sur notamment les usages de nouveaux instruments électroniques assez étonnants. Comme le Vaco Orchestron, voilà, de Dave Van Koevering. Donc en fait, c'est ce qui fait les voix fantômes en fait dans. Oui, en partie. Là, sur Radioactivity, là, c'est plus c'est pas le Vaco Orchestron. Là, c'est les expérimentations de Florian Schneider à base de vocodeurs en fait. Hein. Qu'il a pendant des années, il a travaillé les voix pour la retraiter comme ça, mais à partir de on parle souvent de vocodeurs, hein, mais eux-mêmes mettaient au point leur propre système de synthèse vocale. Et ils en ont beaucoup développé. Qu'ils ont breveté d'ailleurs. Le Vaco Orchestron, on entend ça, c'est plus soit les voix fantômes en arrière. Ça. Oui, c'est ce que tu disais. Par rapport au vocodeur, en fait, ils l'ont breveté un peu plus tard. Oui, c'est plus tard, oui. Ouais, voilà. Mais ils commençaient déjà à travailler ça, en fait. Oui, voilà. Et surtout, ce qui m'a un petit peu fasciné, enfin ce qui m'a toujours assez fasciné sur Kraftwerk, hein, bon, moi qui ai grandi un peu dans les années 80 à l'écoute de certains groupes de synth-pop que je ne nommerai pas mais que je vais quand même nommer, notamment Orchestral Man of the Dark ou encore bien évidemment New Order, c'est qu'en fait on retrouve ces voix fantômes à la fin des années 70, début des années 80 que Kraftwerk a commencé à développer. Voilà. Uranium, ça a été samplé par New Order. Sur le Blue Monday, fameux titre Blue Monday. Tout à fait, ouais, le démarrage. 83, qui revient sur tout le long du titre, en fait. Sur une quantité de titres aussi, donc, d'OMD, puis d'autres choses, hein, d'un tas de corpus de synth-pop de la fin 70, début 80, ont repris pas mal des expérimentations électroniques de Kraftwerk, puis qui avaient commencé bien avant, à la fin des années 60, début des années 70, à utiliser, comme je disais tout à l'heure, des modulateurs, générateurs de fréquences. Mais ils étaient toujours à l'affût des dernières inventions technologiques, c'était vraiment leur truc quasiment depuis leur début, quoi, en fait, quand ils ont commencé à... Alors, tout début, c'était l'amplification. Bah, Florian Schneider amplifiait sa flûte traversière. Et la passait des filtres, dans des filtres pour transformer le son. Ça devenait complètement autre chose. Enfin, c'était... Ouais, toute chose que tu décris pas mal dans la première partie donc, de ton ouvrage, hein, sur la préhistoire donc, de Kraftwerk, tous ces effets de feedback et de volonté aussi donc, de produire aussi un son, le son vernaculaire et original de la Ruhr. C'était un peu ça le début. Ben oui, mais si on prend le nom Kraftwerk, la centrale électrique, c'est justement la production de une production sonore qui soit une image audio de leur région, la Ruhr, parce que eux se positionnaient comme groupe allemand et ont voulu imposer cette identité là et c'est tout le concept Kraftwerk du début, beaucoup surtout. Après ça s'est un petit peu estompé, mais c'était vraiment, ils sont devenus plus le groupe mondial qui cherchait le tube pop global, quoi. Enfin, après, disons qu'ils ont réintégré la voix et tout d'un coup ça. Parce que faut quand même dire que au milieu des années 70, c'était pas forcément bien vu de se ramener comme ça, comme en tant que groupe allemand, la Seconde Guerre mondiale n'était pas si loin que ça dans les mémoires et dans les mentalités. Oui, c'était. Je pense qu'ils se sont fait ramasser quelques tomates sur certaines. oui. Certains concerts ont été un peu houspillés, surtout vu leur apparat, on va dire. Bon, après, je sais pas si c'était forcément pour ça, parce que ils sont ramassés des tomates, mais c'était en Allemagne, donc. C'est pas forcément parce qu'ils se positionnaient comme allemand, voilà. Mais c'est quand même c'est très très fort de leur part de vraiment choisir un nom allemand, Kraftwerk. Et oui, au tout début, ils sont positionnés comme groupe allemand parce que ils ont décidé de ne plus copier leur tout début, comme Ralph Hütter. C'est parti d'un groupe de beat music, il a démarré comme ça, quoi, ouais. Voilà. Et, comme énormément de groupes allemands de la fin 60, c'était leur background culturel, c'était copier les groupes anglo-saxons parce que la culture allemande était glissée sous le tapis, il fallait plus trop. C'était très très. Mal vu, quoi. Étant donné. Après, on va pas refaire tout le. Non. Mais c'est. Ça, oui, ça se comprend très bien. Ce qui est un peu une constante des groupes du rock choucroute. Là, c'est plus les tomates, mais la choucroute. Donc, pas mal de ces groupes allemands se positionnaient un petit peu comme ça. Mais on va écouter un extrait du premier album officiel de Kraftwerk de 1970. Qui est un peu une sorte de disque et de période qui se situe un peu au croisement, on pourrait dire, entre peut-être Faust et Cluster, avec Neu qui n'est pas très très loin, donc toute une famille un peu musicale. Oui, complètement, une musique expérimentale, improvisée, très amplifiée pour Kraftwerk, un peu moins pour Neu. Puisque justement, ça a été un point de rupture. Neu qui est né d'une scission avec l'une des formations Kraftwerk des débuts, parce que Neu était moins positionné dans l'amplification de la batterie, par exemple. Et par contre, il se positionnait assez proche, et c'est très très proche du son de Cluster des 71, où c'était vraiment il le dire rapidement, du bidouillage sonore, des ondes triturées. Un son un peu proto-industriel. Oui, qui n'avait plus rien à voir avec le rock anglo-saxon, c'était plus du tout du rock. Enfin, c'est là où justement la rupture était claire, c'était à ce moment-là, quoi. On va écouter donc un extrait, le titre qui démarre, hein, donc le premier le plot rouge, comme on l'appelle, disque non réédité encore à ce jour officiellement par la centrale électrique elle-même, qui donc démarre, qui prend son point de départ vraiment historique en 1974 selon eux. Donc ils ont jamais réédité à ce jour Non, ça existe officiellement qu'en vinyle. Et par contre, oui, enfin le Rukzuk là qu'on va passer, là c'est pas forcément sur le fait que ce soit de l'amplification, de l'expérimentation, c'est plus sur la répétition rythmique qui a aussi beaucoup marqué. C'est au Cannes aussi, c'était ce que moi j'appelle beaucoup la motorique musique, ça se comprend tout de suite. C'est, des pulsations rythmiques calées sur une rythmique de moteur, quoi. Et et Rukzuk justement c'est les points de départ de choses comme Autobahn et plus tard Trans-Europe Express. C'est déjà là en fait. On écoute ça tout de suite. Ouais. Deux titres extraits du transformateur électrique le plus célèbre de la pop musique, Kraftwerk, à l'honneur ce soir, avec tout d'abord donc un extrait de Ruckzuck, version donc d'origine, donc Ruckzuck du premier album qui est sorti à l'automne 1970, un peu sur les cendres de ce qu'il produisait avec Organization. Ils avaient commencé à jouer sous le nom d'Organization, oui. Ouais, c'est ça. Et qui était enchaîné avec le fameux morceau Cristallo, extrait du troisième album, on pourrait dire, de Kraftwerk, même s'il ne porte pas le nom de Kraftwerk, le fameux Ralph Enflorion. Oui, c'est un moment où il pensait même abandonner le nom de Kraftwerk pour s'appeler Ralph et Florian. Et donc deux morceaux, on voyait un peu l'emphase sur les jeux rythmiques, donc assez savants, donc de la musique qu'ils produisaient à l'époque, qui est un peu les prémices donc de ce qui va venir par la suite. Ouais, Ruckzuck est plus, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, de la motorique, et Cristallo, qui est beaucoup plus dans une tendance musique minimaliste répétitive américaine, est très très proche de ce que faisait Terry Riley à l'époque. Et Terry Riley, lui, en faisait des nuits entières de cette musique-là. Eux, en fait, ils ont concentré ça sur 6 minutes. C'est très très court, en fait, pour ce type de musique qui est... Comment... Par rapport à ce que faisait ouais, Terry Riley, c'est... Mais c'est une musique qui produisait, ça fait un peu penser, c'est ce qu'ils ont commencé à jouer pas mal dans leur garage, Kling Klang, ce type de musique, hein, ils devaient jammer pendant des heures aussi, et puis ils produisaient ce genre de choses aussi en concert, même si effectivement c'était pas des ragas d'une nuit entière. Ah oui, eux ils devaient faire en studio, enfin leur Kling Klang, qui était un ancien atelier, comment ils devaient justement jouer des nuits entières, mais sur disque, ils ont préféré ne pas remplir le disque avec seulement ce morceau-là, c'est ce que faisait Terry Riley, mais eux on en fait un morceau comme ça. Et c'est aussi beaucoup, enfin il y a une production assez fantastique, donc un travail de mixage et de mastering, et ils travaillaient d'ailleurs avec Connie Plank, hein, comme quantité de groupes de l'époque. Bien évidemment, je voulais aussi qu'on parle un peu de la participation de leur gourou méconnu, hein, de l'époque, qui travaillait beaucoup sur les visuels et un peu le... Tout le côté un peu fantasmagorique autour de Kraftwerk, enfin Emil Schultz. Emil Schultz, ouais, comment qui. Leur idée, c'était justement de donner une vision de la Ruhr, hein, et ils recherchaient toutes les sources possibles pour vraiment représenter ça, et ils ont réussi à trouver en Emil Schultz. La personne qui permettait d'avoir une source visuelle et de vraiment étendre leur façon de fournir cette vision-là avec lui, avec les prénoms Ralph et Florian en néon bleu, et les pochettes d'Alboy, il les va faire après la pochette d'Autobahn, et il a fait des sortes de petites BD à l'intérieur du 33 tours, enfin les premières éditions, c'était avec des dessins à l'intérieur qui représentait la Ruhr, quoi. Enfin, c'était... Et Emil Schultz et va être présent jusqu'au milieu des années 80 ou début des années 80 à collaborer avec eux. Ouais, jusqu'à la tournée Computer World de 81. Après, il s'est séparé. Depuis, là, il est revenu depuis quelques années. Enfin, plus actuellement, il est de source sûre. Il a participé à la tournée qu'ils font actuellement. Ah oui, d'accord, okay. Ouais. Donc plutôt sur la scénographie scénique et les visuels projetés. J'ai pas réussi à soutirer d'informations claires de sa part. J'ai pu le contacter, mais... Il a des remerciements, d'ailleurs. Oui, mais il a refusé de parler au nom de Kraftwerk. C'était l'une des grands... Le mystère Kraftwerk se cultive, et donc lui a bien voulu répondre à mes questions sur ce qu'il a fait avant et après. C'était très très intéressant que j'en parle un petit peu dans le bouquin, mais mes questions que j'ai posées directement en frontal sur Kraftwerk. C'était No Comment. On va voir Ralf Hütter directement. Ok, bon, on va continuer avec l'album de la naissance de la centrale électrique. Donc il y a 40 ans cette année, l'album Autobahn. L'ai-je bien prononcé ? Autobahn. Autobahn. Donc, album cultissime s'il en est, notamment avec son titre de 22-23 minutes. De psychédélisme des B-Boys de la Ruhr, quoi en dire? Eh ben quand on reconstitue vraiment l'histoire de cet album, c'est là qu'on se rend vraiment compte que ils ont eu une petite phase cosmische musique cosmique, avec des Cometon Melody, qui était dédiée au passage de la comète Kowetek en 73. Et ils ont sorti un 45 tours oui, en 73. Premier, c'est leur premier 45. Je crois que c'est leur premier 45. Premier, ouais. Et c'était la cosmische musique, une musique assez planante, avec une vision très science-fiction, spatiale, côté conquête de l'espace, quoi. Et finalement, quand on écoute ces morceaux-là, c'est ce qui vient juste avant Autobahn, et ils ont finalement dupliqué plus ou moins la même façon de faire leur musique, mais en posant pour Autobahn, des sons, des claquements de portières, des klaxons, et du coup, c'est une approche. Tout de suite, on revient sur Terre, quoi. Sans le cambouis. Oui, voilà, ouais. Et on revient dans la Ruhr, les autoroutes allemandes. On va écouter un extrait d'ailleurs d'une des deux versions de Cometen Melody. Il y a la numéro 1 et la numéro 2, mais tu as choisi de passer ce soir la Cometen Melody numéro 2 par Kraftwerk. Thank you. pour rappeler le cosmique champêtre, n'est-ce pas Eric? Côté bucolique en fait de cette balade sur l'autobahn. Et complètement, ouais, moi c'est ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'il y a les mêmes sons, enfin la même façon de concevoir les morceaux au départ avec les Cometon Melody, puis là ils font un truc qui est autoroutier, et, enfin, qui est ouais, bucolique, mais... Ça doit être la flûte, je pense, la flûte de Florent Schneider filtrée qui donne cet effet-là. Et puis il y a un petit côté quand même presque guitare hawaïenne. Ouais, ouais, c'est Klaus Röder hein, qui a été un petit moment, enfin, qui a fait un petit passage dans le groupe. Ouais. Ouais. Donc bah c'est ce qui a vraiment fait fureur de l'autre côté de l'Atlantique, hein, à New York et aux États-Unis, qui les a propulsés. Bah ouais, pas qu'à New York, hein, c'était diffusé sur 136 radios FM aux États-Unis pendant que eux, ils sont partis en tournée là-bas en 75. Le succès d'Autobahn, c'est 75 en fait, c'est ça qui est étonnant. Ouais. C'est une version en fait qui a été entièrement remontée d'ailleurs, c'était par les Américains. Remonter légèrement, ils ont raccourci l'intro et puis ouais, pour faire un truc de 3 minutes quoi. Enfin, parce que le morceau album, c'est une longue intro de. Comment. Ouais, qui passait pas. Qui n'était pas très radiophonique et l'attaque n'était pas assez directe quoi. Enfin, bon, hop, on enlève ça et puis ils ont pris une séquence avec le chant là. Et, parce que finalement, on dit beaucoup que Autobahn, c'est le. Ouais, comment Kramberg se met à chanter, mais il n'y a pas énormément de paroles quand même sur. Sur 22 minutes. Sur 22 minutes, ouais, c'est. C'est vrai, on l'entend d'ailleurs. Il y a un très beau clip hein, que vous pouvez voir d'ailleurs, qui a été tourné à l'époque, enfin, une sorte de cartoon hein, qui est disponible, je pense, sur les sites qui postent des vidéos de Autobahn. Ouais, ils ont produit aussi des nouvelles vidéos là justement pour les concerts 3D avec une ils travaillent un côté kitsch toujours. Du coup, il y a une coccinelle Volkswagen en image de synthèse un peu pourrie, disons-le, mais volontairement des images de synthèse volontairement pourries. Pour parler franchement et ouais c'est des, ils retravaillent et ça a été un casse-tête justement pour eux de resynchroniser ouais. Au niveau du son de recréer le son de synthé tout ça parce que c'était des synthés analogiques et quand ils sont passés au numérique il a fallu refaire tout ça et au départ c'était ils reprenaient en fait ils étaient obligés de repasser les bandes de l'album. Oui, tu avais une anecdote assez rigolote en antenne. Tu disais que le synthé mythique qui avait sorti, servi pour cet album-là. Oui, celui qui sert pour les voix qu'on entendait tout à l'heure. Là, au tout début, c'est Autobahn. Comment c'est Daniel Miller du label de Mute qui a racheté le synthé qui a servi à faire ces voix-là à Kraftwerk, mais eux ils l'ont prévenu qu'il ne marchait plus, que voilà ils pouvaient l'acheter, mais que et il a fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de le réparer, et il marche toujours pas. Enfin, il a jamais réussi à le faire repartir. Non, mais il est content de le voir le matin quand il prend son petit déjeuner. Ah, mais... on le serait à moins. Je voulais qu'on parle un petit peu aussi rapidement, mais voilà, d'autres choses qu'on peut lire dans ton livre Kraftwerk aux éditions Le Mot et le Reste, disponible dans toutes les bonnes librairies depuis quelques jours. Des débuts des percussions électroniques hein, jouées à partir de cet album-là. Enfin, ils avaient commencé un petit peu avant, mais ils ont vraiment mis à l'honneur un jeu de percussion de batterie électronique assez innovant à partir de cette époque. Oui, bah c'est un instrument de percussion de contact, disons. C'est pas tout à fait une batterie électronique, c'est des baguettes métalliques avec un relié par un fil à une table. Ça ressemble à des, ils appelaient ça des tables à repasser, enfin, ou ça ressemble à des tables de cuisson électrique, disons. Et quand la baguette est en contact avec la plaque, ça produit le son. Enfin, quand c'est les contacts sont réguliers, forcément ça crée le rythme. Et quand la baguette reste en contact avec la plaque, ça continue à produire le son. Et du coup, il peut y avoir des variations. D'accord, et c'est Wolfram Flour qui jouait de ça principalement. Au départ, ils étaient. Quand ils ont mis au point ce truc, cette percussion-là, il n'y avait que Ralph et Florian. Quand il a fallu qu'ils partent en tournée, ils ont recruté Wolfgang Flour pour qu'il en joue. Parce qu'ils avaient besoin d'un percussionniste en plus, ils ne pouvaient pas tout faire. Et c'était lui. Et ils ont créé une autre table de percussion un peu plus complexe, et là ils ont recruté Karl Bartos. Du coup, voilà le Kraftwerk, le quatuor mythique Kraftwerk, Ralph, Florian, Wolfgang et Karl étaient créés comme ça autour des instruments de percussion électronique. D'accord, et donc ils allaient pouvoir commencer à se faire connaître sous cette forme, donc un peu partout, et à connaître un succès assez mondial. On va enchaîner avec Trans Europe Express, peut-être pas complètement comme de juste, puisqu'il y a eu le Radioactivity entre temps, mais dont on a beaucoup parlé. Ouais, on a passé au début, donc. Trans Europe Express, hein, qui est un peu dans le même un concept album encore, hein, de Ralph et Florian, je crois qu'il s'appelait comme ça d'ailleurs. Ils étaient ce qu'on lit dans ton livre, c'était marqué, je crois, un concept album sur la pochette une des versions de pochette, hein, si je ne m'abuse, de l'époque. Donc autour du fameux train mythique, donc le Z-Bahn, un train des années 30 qui avait le même design aérodynamique que le Zeppelin, du coup le Z Zeppelin Bahn. Ok, et donc là c'est vraiment un album aussi très très important pour l'histoire du groupe, hein, parce que c'est l'album qui va peut-être les propulser encore plus dans le futur avec des thèmes qui vraiment très très futuristes dans les séquences rythmiques et une manière de composer qui a fait florès notamment du côté aussi des États-Unis avec l'afrofuturisme et des choses comme Africa Bombata peut-être. Ouais, et puis pour Trans Europe Express, c'est surtout qu'il commence à utiliser des séquenceurs, hein, pour produire des sons, enfin des pureté cristalline. Enfin, ils avaient le même, ils avaient un fournisseur de d'instruments électroniques, quoi. Matten and Witchers. C'était le gros fournisseur, enfin Abon en Allemagne, qui leur permettait d'avoir les synthés dernier cri. Et c'est comme ça qu'ils ont pu avoir le Synthi Norma Sequencer, qui donne les sons, il y a les percussions électroniques et ces séquences rythmiques programmées qui sont c'est des sons vraiment hyper précis. Et on va s'en rendre compte avec une séquence assez dantesque, le morceau, un des morceaux que tu adores, je le sais Eric, donc le fameux Metal and Metal, qui est un peu la deuxième partie donc, du thème Trans Europe Express, qui est un thème, pas la deuxième partie, parce que c'est une sorte de suite en cinq actes, avec deux, trois morceaux supplémentaires, et donc Trans Europe Express est enchaîné avec ce brillantissime Metal and Metal. Vous êtes toujours dans l'asile le plus sûr, malgré ce qui paraît. Donc voilà, malgré les sons un peu étranges qui sortaient de votre poste, qui venaient d'un disque de Giorgio Moroder, enchaîné avec la fameuse version Metal on Metal, extraite de ce Trans Europe Express de Kraftwerk. Donc un titre que tu voulais passer, Eric. Oui, parce que From Here to Eternity, l'album de Giorgio Moroder, certains en Allemagne ont pensé que c'était un nouvel album de Kraftwerk à sa sortie. Ça a été, la remarque a été faite aux membres de Kraftwerk, ils étaient un peu étonnés, ils se disaient, oh, on l'a pas entendu celui-là. Et oui, c'était, mais ils avaient le même fournisseur de synthé, il y a des sons qui sont très très proches hein, par rapport à Kraftwerk. On peut le dire. Il y a évidemment le nappage disco qui fait que avec les parties vocales évidemment qui fait qu'on n'est plus dans le même monde, mais c'est justement ces différences là qui sont c'est amusant à entendre, enfin en entendant les deux morceaux à la suite comme ça. Et donc c'est vrai que c'est une anecdote qu'on peut lire dans ton livre Kraftwerk aux éditions Le Mot et le Reste, donc cette fameuse anecdote où les critiques pensaient que c'était un nouveau disque de Kraftwerk qui était sorti, il datait de la fin 70 hein, celui-ci je crois. Ouais. Ouais. C'est 77-78. Ouais, donc à peu près à l'époque. Ouais, oui, la même époque que Trans Europe Express et The Man Machine, l'album qui sort juste après, à 78, ouais, Kraftwerk. Fameux album qui contient quasiment que des tubes, hein, que des titres chantés aussi d'ailleurs. Ouais. Et voilà, qui est un peu la quintessence de ce qu'ils ont pu faire dans cette série des 4 disques. Un disque qui devait porter d'ailleurs sur scène, et puis ça s'est pas fait. Oui, parce que c'était... Apparemment, ça leur paraissait trop compliqué à rejouer sur scène. Et c'est là qu'ils ont mis en branle la période des grands travaux. Pendant 3 ans, ils sont décidés à reconstruire complètement leur studio pour pouvoir le jouer du studio sur scène. C'est leur grand projet. Sur la thématique des grands travaux et des travaux publics. Et voilà. Donc ça a été chose faite début des années 80. Ils ont pu réenregistrer. C'est leur ami, vraiment, 3 ans. Hein, 3 ans en 81, ils ont commencé la tournée Computer World. Selon l'anecdote, la peinture qu'ils avaient mise sur les synthés, une peinture acier, enfin métallique, quoi, comment c'était, elle était à peine sèche. Donc ils se produisaient à l'époque à une sorte de console, enfin dans une sorte de vaisseau un peu spatial, avec une sorte, c'est-à-dire une grande console assez futuriste, et puis donc ils jouaient avec leurs instruments inventés, leur calculatrice automate parlante devant les spectateurs, assez médusés. Donc cette période avait été très profitable, et puis bah, ils sont revenus vraiment en flamme aussi avec cet album Computer World. L'album et la tournée, c'est une énorme tournée d'une centaine de dates, je sais plus exactement. Enfin, c'est une tournée mondiale qui a repropulsé tous les albums, dont The Man Machine, Trans-Europe Express, tous ces albums-là se sont retrouvés numéro 1 dans les charts début 80, même 82. Ce modèle a cartonné à l'époque, 3 ans après. Ouais, 3 ans après sa sortie, il est ressorti en phase B au départ d'un titre de Computer World. Et finalement, c'est titre-là qui a été plus passé en radio, et du coup c'est passé en face A, et voilà, c'est devenu un tube en 82, sans qu'ils avaient fini leur tournée, ils ne comprenaient pas trop ce qu'ils... Voilà, c'est de... Ils ont mis un certain nombre d'années avant que ça se re... que ça se diffuse vraiment à fond. Enfin, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont peu produit dans ces années-là, puisqu'il y a eu un petit gap, un creux entre 81 et 86. Enfin, il y a eu le Tour de France, le Maxi en 83. Et puis après, donc, s'en est suivi l'Electric Café, mais il y a eu une baisse de régime. Alors peut-être dû au fait que les albums précédents étaient digérés à cette époque, je ne sais pas. Ben, c'est surtout tout le succès de la synthé pop anglaise, hein. Enfin, tu parlais d'OMD tout à l'heure, mais c'est oui, c'est tous ces toute la vague synthé pop de l'époque qui les a qui a énormément, c'est énormément inspiré de Kraftwerk. Enfin, c'est le grand moment pour eux, ce qui fait que leurs albums ont marché, c'est parce que c'était complètement dans l'air du temps. Ils ont été effectivement en avance sur leur temps au moment où ils ont sorti les albums. Et la synth hip-hop anglaise a complètement digéré ça, et ils se sont retrouvés en figure de proue de toute une scène, toute la scène anglaise. Oui, ils ont été OMD, Soft Cell, et quantité d'autres. Oui, voilà, enfin... Je voulais passer en fait aussi deux titres de carrière solo en fait des membres moins connus donc de Kraftwerk que Ralf Hütter et Florent Schneider. On les évoquait tout à l'heure, donc Karl Bartos et puis son acolyte dont tu vas me rappeler le nom puisque je suis en train de ne plus le retrouver. Wolfgang Flür. Voilà. Donc qui se sont échappés à peu près à cette époque-là aussi. Oui, on a un peu raccourci du coup en fait. Il y a eu le 45 tours Tour de France. Il y avait un album de prévu technopop début 80. Parce qu'ils se sont mis au vélo. L'une des raisons qui a fait qu'il y a eu une baisse de production, c'est que Ralf Hütter a fait une chute Oui, c'est vrai. Ça a pu être la fin. C'est dangereux, le vélo. Et il a mis plusieurs mois à s'en remettre et ça a retardé le travail sur l'album qui finalement ne s'est pas fait. Il y avait aussi le fait qu'il voulait encore retravailler les sons et digitaliser, et voilà. Et du coup, ils ont travaillé sur un album qui est devenu Electric Café. On va pas passer de morceaux parce qu'on n'a pas trop, plus trop le temps. On arrive plutôt en fin d'émission, oui. Et ensuite, là, ils étaient un peu coincés, comment dire, vraiment pouvoir suivre sur faire du nouveau en synthétique. C'était la synthèse sonore avait complètement envahi la pop. Ça devenait beaucoup plus difficile et du coup ils se sont vraiment encore le but encore c'était de remasteriser toujours et encore, d'améliorer le son. Ils ont fait l'album The Mix qui est une sélection de morceaux, de leurs grands morceaux. Ouais. Pour une sorte de compilation, mais qui n'est pas tout à fait une compilation, parce que c'est l'album remixé qui est sorti en 91. Et c'est là qu'il y a eu la rupture, en fait, parce que, enfin, même avant, 87, Wolfgang Führer est parti parce qu'il sortait plus rien de neuf. Il n'y a plus de créativité pour lui, ouais. Ouais, il avait beaucoup participé justement à la réalisation du studio à monter sur scène. Comme il a eu une formation de d'ébéniste. Et après, Karl Bartos lui est parti juste après, un tout petit peu avant la sortie de The Mix. Et donc, ils ont commencé une carrière solo, Wolfgang Flur, donc avec un projet qui s'appelle Yamo. Oui, qui a mis du temps, c'est sorti en 97, il a mis du temps à vraiment produire quelque chose en solo. D'accord, donc produit par les membres de Mouse on Mars. Il a aussi produit un livre qui a fait un peu couler d'encre et aussi beaucoup d'encre d'avocat, je crois. D'anecdotes et un peu pour essayer de revendiquer un peu ses droits. Ça fait un peu des batailles d'avocat. On va écouter donc un extrait de ce disque de Yamo, donc le Time Pie. Ok, on écoute ça tout de suite. Time. Der Form aus Licht, Bewegung, Dynamik, Gleichzeitigkeit, die Melodie der Bilder. Le mot de la fin des ex-Roboten qui ont été débranchés donc de la centrale mère Kraftwerk. On a entendu tout d'abord les deux collaborateurs de Ralf Hütter et Florian Schneider, Wolfgang Flur et son projet donc Yamo, qui est enchaîné avec un des derniers disques de Karl Bartos, son dernier album en date, Off the Record de 2013, qui est excellent, vraiment excellent. Dans le titre, il parle de l'articulation der Zeit Gesamtkunstwerk, l'articulation du temps, l'œuvre d'art totale, qui est vraiment le concept de Kraftwerk qu'ils ont développé. Parce qu'il y a toujours un concept dans un livre d'Éric Dehaye, et donc dans cet ouvrage Kraftwerk aux éditions Le Mot, le reste, c'est l'art total donc, avec Kraftwerk, puisque le précédent c'était le groove postmoderne avec Cannes. Oui, et Kraftwerk, oui, on parlait tout à l'heure du studio sur scène, d'Emil Schultz pour les pochettes d'albums, les BD et tout ça. Et c'était vraiment le fait de vouloir utiliser plusieurs disciplines artistiques pour créer une œuvre d'art totale. Et c'est le concept que Kraftwerk a développé et continue de développer avec ses concerts 3D là, qu'ils font. Actuellement, là, ils sont en tournée mondiale depuis plusieurs mois, même presque années, en fait. Comme Godard qui s'est mis à la 3D, Kraftwerk eux aussi. Et donc, d'ailleurs, des shows que vous allez peut-être pouvoir voir à Paris début novembre, puisqu'ils font une série de 8 concerts. C'est complet. C'est déjà complet. C'est la Fondation Louis Vuitton. Oui, s'il vous plaît, attention. Qui vient tout juste de sortir de terre. Justement, avec une architecture de Franco-Algérie, voilà. Voilà, ça a été complet direct. J'ai pas eu le temps de. D'accord, ok. Donc, J'ai pu les voir à Lyon, parce qu'ils ont passé, ils avaient fait une date à Lyon. Peut-être si vous travaillez dans la mode, vous avez une chance de. Pour ceux qui travailleraient dans la mode, peut-être qu'ils nous écoutent, donc ils ont peut-être une chance d'avoir une place. Et du coup, là, ouais, c'est la prolongation de l'œuvre d'art total. Ils refont leurs 8 albums à partir d'Autobahn. Sans les premiers, parce qu'ils considèrent l'archéologie. Bon, voilà, pour boucler la boucle. Et pour chacun des albums, il y a des visuels en 3D, donc il faut chausser ses lunettes pour vraiment. Et c'est excellent, vraiment excellent, comment de tous les visuels qu'ils ont développés sur certains morceaux, c'est vraiment impressionnant. Autant au niveau sonore, ça on le savait déjà avec la tournée de 2004 qu'on avait pu voir, mais au niveau visuel, là c'est. Il y a eu un gros travail là-dessus. Puis comme toujours un travail de spatialisation et de retraitement électronique de la plupart de leurs thèmes et de qui continuent à jouer et improviser aussi en direct en concert. Mais c'est Kraftwerk sans Florian Schneider, puisque Florian Schneider lui aussi a quitté le groupe il y a de ça 2-3 ans. 2008, ouais, il a quitté le groupe. Donc on l'écoutait juste dans la dernière partie de la séquence avec ce fameux mot de la fin sur un disque de Monsieur Ou Schmidt, publié par Rasternoton il y a de ça quelques années, le fameux Seigneur Coconut qui est très très inspiré. Atom TM, sous le nom de pseudonyme Atom TM. Oui, c'est ça. Et je vais te remercier Eric pour toutes ces explications très très très fournies. Il y a beaucoup beaucoup d'anecdotes et de choses à lire dans ce très bel ouvrage qui vient de voir le jour aux éditions Le Mot et le Reste. Je rappelle que tu as aussi un site, un webzine musical neosphere.free.fr. Et on se quitte avec un dernier titre qui est aussi un titre que tu adores, je crois. Du dernier album en date de 2003, qui a maintenant un peu plus de 10 ans, mais qui est encore tout neuf ans. Hein. C'est vrai. Tour de France, Soundtracks. Et donc, on a démarré avec The Voice of Energy, donc on va terminer avec Vitamine, hein, voilà, pour bien démarrer la semaine à l'écoute de l'Asile le plus sûr. Je vous rappelle que l'ensemble de cette émission et des playlists des précédentes, les podcasts et écoutes en streaming sont disponibles sur internet à partir des sites asile35.blogspot.fr ou encore du mixcloud/redman. Bonne semaine à vous, merci Eric, et à bientôt, bonne nuit. À bientôt, bonne nuit. Adrenalin, Endorphin, Elektrolyt, Coenzym, Carbohydrat, Protein, A, B, C, D, Vitamin, Niacin, Biotin, Zink, Selen, L-Carnitin, Carbohydrat, Protein, A, B, C, D, Vitamin. D-Vitamin.